Celle-ci elle est pour Watt. Tu vas t'en mordre les watts. Si t'aimes pas mets-toi un watt. J'ai mis la barre trop haute, personne pourra la décrocher. Mon son c'est comme une drogue, t'arrives jamais à décrocher. Trop haut en altitude, j'ai le flow et l'attitude. Ici c'est le 9 de sud, hardcore notre habitude. Appelle les pompiers, dès que j'pose j'mets le feu. Explose dans les concerts donc sauf qui peut. Mon rap pèse, il s'impose lourd comme un obèse. Les jaloux parlent beaucoup, les commères je les baise. Les Comores mes origines, est-ce que t'imagines. Le peur à n'est pas mort, c'est les MC que j'assassine. On tient tellement les murs que ça nous a musclés. Nous regarde pas travers si tu veux pas te faire brusquer. Je représente ma thèse comme si c'était un sponsor. Habitué à cavaler pour attraper les transports. Voici une vague de violence pour noyer la concurrence. Moi je vais foutre le spell car ici y'a trop de silence. Encore comme d'hab, je fais pas trap. Je rappe pour mes rap et pour tous les frères en rap. Voici une vague de violence pour noyer la concurrence. Moi je vais foutre le spell car ici s'il y a trop de silence. Encore comme d'hab, je fais pas trap. Je rappe pour mes rap et pour tous les frères en rap. J'ai cartonné le peura sans faire de constat. De nos jours le net peut te faire devenir une resta. La vie c'est compliqué, faut savoir l'appliquer. Y'a ceux qui ont tilté, ceux qui pensent qu'à tout niquer. Si t'as la clé de la réussite, s'il te plaît fais-moi le double. En cours personne passe, y'a toute la classe qui redouble. Voici une vague de violence qui casse ta planche de surf. Maintenant c'est le Seawalk et avant c'était le Smurf. Y'a plus de légende, inspiré de faits réels. L'argent sale blanchit pas, il sera jamais Hlel. Je me positionne, car la rue me sélectionne. Je vous baisse, prends le buzz, normal ça fonctionne. Lyricalement armé, personne peut incarner. Mec de test énervé, car le seum m'a charmé. Si mon rap avait deux roues, serait un T-Max ou un compète. Sur la route de l'ambition, les feux rouges, il est bête. Voici une vague de violence pour noyer la concurrence. Moi je vais foutre le spell car ici y'a trop de silence. Encore comme d'hab, je fais pas trap. Je rappe pour mes rap et pour tous les frères en rap. Voici une vague de violence pour noyer la concurrence. Moi je vais foutre le spell car ici y'a trop de silence. Encore comme d'hab, je fais pas trap. Je rappe pour mes rap et pour tous les frères en rap. Chromatise, le succès c'est Chroma qui le vise. Chromatise, le succès c'est Chroma qui le vise.